Vaccin inactivé. De nouveaux espoirs pour les sceptiques de la vaccination? Actuellement, les médias publics vantent les mérites des nouveaux vaccins Novavax et Valneva. On fait croire aux gens qu'il s'agit de vaccins traditionnels à virus inactivés, sans ARN, qui sont connus depuis des années. Avec des gros titres du genre « le vaccin qui pourrait rassurer les derniers récalcitrants parmi le personnel soignant », on cherche actuellement à rendre ce vaccin attrayant, surtout pour les professionnels de santé. En Allemagne, pour de nombreux travailleurs du secteur de la santé, ces vaccins apparaissent comme porteurs de nouvel espoir, car ils sont menacés d'interdiction d'exercer à partir de mi-mars s'ils ne sont pas vaccinés. Et puisque les experts qui défendent un point de vue différent n'ont malheureusement pas la parole dans les médias dominants, CLA TV va aujourd'hui faire entendre deux contre-voix capables de jeter une lumière quelque peu différente sur ces vaccins. L'une est celle du docteur Wolfgang Wodarg. Il est pneumologue, spécialiste en médecine sociale et environnementale et a dirigé pendant de longues années un service de santé publique. Dans un appel vidéo de la chaîne Auf 1 TV, il explique le mode d'action des nouveaux vaccins et les qualifie également de thérapie à haut risque, une thérapie génique visant à influencer notre système immunitaire. Regardez ici un court extrait de l'interview. L'un des vaccins produit des protéines spike synthétiques par génie génétique. Et l'autre vaccin prend des coronavirus entiers avec des spikes dessus, mais qui sont atténués et qui ne peuvent se multiplier. Et c'est ce qu'on nous injecte ensuite dans le muscle. Pouvez-vous préciser de quel vaccin il s'agit? Oui, l'un d'eux est le Novavax. Il présente des protéines spike issues de la séquence génétique du SARS-CoV-2 qui ont été développées avec l'aide de la technologie des nanoparticules recombinantes, selon les déclarations de l'entreprise. Et naturellement, ils sont tous renforcés. C'est l'adjuvant Matrix-M, à base de saponine, qui est l'amplificateur d'action. Et l'autre, c'est le Valneva. C'est une société établie en Autriche et en France. Et ce qu'elle fait? Elle va donc vendre un vaccin inactivé à virus entier avec adjuvant. Les coronavirus sont cultivés dans un bioréacteur sur des cellules virales comme pour le yaourt, pas sur des œufs de poule, mais dans un bioréacteur comme celui-ci. Ils sont cultivés, puis extraits. Ensuite, ces virus sont rendus inactifs afin qu'ils ne puissent plus se reproduire. Mais ils ont alors ces spikes et on nous les injecte. Et pour qu'ils puissent se former des anticorps en bonne et due forme, on leur ajoute l'adjuvant. C'est le CPG. Et le CPG est constitué d'acides nucléiques qui sont introduits dans les cellules sous forme de nanoparticules. Ah, des acides nucléiques, c'est-à-dire des informations génétiques qui sont introduites dans les cellules sous forme de nanoparticules, et cela plus particulièrement dans les cellules immunitaires. Cela signifie que nous subissons alors une modification génétique par l'adjuvant, non par le virus. Dans ce cas, ces protéines spike ne sont donc pas liées à l'ARN messager, mais notre système immunitaire est titillé par une technique génique afin qu'il réagisse violemment à ces spikes. Je pense qu'il s'agit d'une technologie à haut risque. On utilise une thérapie génique visant à influencer le système immunitaire. Et pour les thérapies géniques, nous avons habituellement des commissions d'éthique qui jugent au cas par cas et décident si leur utilisation est justifiée ou pas. Et chez nous, on veut ce vaccin Valneva. On le veut. Oui, je crois qu'on a déjà acheté ou commandé des millions de doses de vaccins. Cela signifie manifestement qu'on essaye de cacher les substances critiques telles que l'adjuvant tout en ne parlant tout le temps que de la substance principale. Le biologiste et auteur de livres spécialisés, Clemens Harvey, confirme également que Novavax n'est pas un vaccin inactivé classique, même si les médias s'obstinent dans une fausse présentation. Harvey explique qu'il s'agit d'une nouvelle génération de vaccins à protéines dans laquelle des cellules d'insectes génétiquement modifiées produisent la protéine spike, d'ailleurs sur la base de protéines spike de Wuhan devenues obsolètes. Ainsi, le vaccin prétendu inactivé de Valneva n'est rien d'autre qu'une thérapie génique. Harvey poursuit. Le vaccin inactivé de Valneva contient, comme adjuvant, un morceau d'ADN viral, ce qui signifie que les points d'interrogation fondamentaux des vaccins à ADN concernant les effets indésirables à long terme s'appliquent à ces vaccins. Avant 2021, il n'y a jamais eu de vaccin autorisé dans l'UE qui contenait de l'ADN en tant qu'adjuvant. Aucun de ces vaccins ne promet une immunité stérilisante ou une protection pour les autres. Conclusion. On a l'impression qu'avec ces vaccins, on a seulement remplacé, dans la souricière, le fromage par du salami, comme l'exprime un utilisateur de l'application Telegram. Ou bien, comme le dit le rédacteur du Wochenblick, Julian Schernsteiner, il s'agit d'une sortie par la lucarne, mais pas pour accéder à la liberté. Aussitôt qu'on est passé à travers, on se retrouve de nouveau dans la pièce où nous attend la contrainte de l'abonnement étatique, un abonnement qui prévoit actuellement 3 doses. Même si en raison de l'obligation vaccinale, de nombreux citoyens menacés dans leur existence souhaitent une issue, une solution individuelle, la vraie liberté ne peut être conquise que pour tous. C'est pourquoi il faut absolument une stratégie commune et une action commune de toutes les personnes éprises de liberté. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir diffuser ces informations auprès de vos amis et de vos connaissances et de démasquer avec nous toute nouvelle tromperie et tout nouveau mensonge.